Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Un jour, les agriculteurs utiliseront la réalité augmentée pour surveiller la santé de leur sol et ils simuleront des solutions d'irrigation pour obtenir de meilleurs rendements. Les urbanistes modéliseront des solutions de circulation dans le métavers pour réduire les temps de trajet et désengorger les villes. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Découvrez les projets de Meta pour le métavers sur meta.com/metaverseimpact/fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un fait d'actualité, le scandale du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Oui, fait d'actualité car jeudi, le parquet de Paris a demandé un non-lieu dans cette affaire, provoquant l'indignation des plaignants qui avaient pourtant beaucoup d'arguments. L'histoire que nous allons vous raconter le prouve à l'épreuve des faits. Dès 1972 et pendant plus de 20 ans, cet insecticide extrêmement toxique est utilisé dans les bananeraies des Antilles françaises, polluant durablement la terre, les cours d'eau et la mer. Pour protéger l'industrie bananière et ses grands producteurs, l'État autorise alors l'utilisation d'une molécule dont on connaît pourtant les risques graves sur la santé. Cette catastrophe environnementale et sanitaire est emblématique également des tensions qui traversent encore aujourd'hui la Guadeloupe et la Martinique, où les inégalités sociales, raciales et économiques héritées du passé colonial perdurent. Elle rappelle aussi, par l'ampleur de la pollution, l'urgence de produire et de consommer autrement. Notre invitée aujourd'hui, Cécile Évrard, journaliste. Elle a coécrit avec Thierry Derouet le documentaire « Chlordécone, poison durable », coproduit par France O et Bonobo Productions. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donante, réalisation Charles Vassilia. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La banane, le fruit préféré des Français. 728 000 tonnes ont été vendues en France en 2021, soit plus de 11 kilos par personne. Moins écologique que la pomme, mais plus que la mangue, l'un des fruits dont la consommation en France génère le plus de gaz à effet de serre. La banane, qu'on mange en métropole, est pour un quart des importations antillaises. En Martinique et en Guadeloupe, la banane est l'une des principales ressources économiques, notamment parce qu'elle bénéficie d'un accès privilégié à l'Hexagone, et ce depuis une décision du général de Gaulle en 62, qui a décrété les deux tiers du marché réservés à la banane entière. Entre ce fruit et les Antilles françaises, il y a donc une relation organique. Et pourtant, la banane n'est pas originaire des îles. Mais non. Elle y est introduite par les Européens au temps de la colonisation et de l'esclavage, avant de devenir un produit d'exportation à la fin du 19e siècle, grâce à la sélection de variétés résistantes aux longs trajets en bateau. D'abord la Gros Michel, puis à partir des années 60, la Cavendish, plus résistante aux maladies, mais pas des plus goûteuses. Au cours du 20e siècle, en Martinique et en Guadeloupe, c'est pourtant cette Cavendish qui va peu à peu remplacer non seulement les autres variétés de bananes, mais aussi tout autre produit d'exportation. Mais le principe de la monoculture est toujours risqué. Il suffit d'un changement de législation, d'un concurrent nouveau, d'une catastrophe naturelle, pour que tout un système soit déséquilibré. Même un insecte peut venir tout gâcher. Et aux Antilles, au début des années 70, alors que la banane antillaise connaît une ascension fulgurante sur le marché mondial, c'est le charançon qui menace les rendements. Un sacré client, celui-là. Un coléoptère ravageur, sur qui les pesticides habituels n'ont plus assez d'effet. En 1972, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement rural, donne alors l'autorisation aux planteurs d'utiliser une nouvelle molécule venue des États-Unis, la chlordécone, vendue sous l'appellation de Kepone. Des études américaines démontrent pourtant sa toxicité depuis 1963, mais la France prend le risque. L'important, pense-t-on, c'est de sauver l'industrie bananière. Et personne ne se doute qu'un demi-siècle plus tard, 9 personnes sur 10 en Martinique, comme en Guadeloupe, seront contaminées par cette molécule cancérogène. Les techniciens nous disaient qu'il fallait mettre ça tous les 3 mois. Pour avoir de la banane, il faut en mettre tous les 3 mois. On n'avait pas d'autre solution. On voulait produire, et quand on produisait, on avait de l'argent, quoi. L'islam disait qu'il faut passer à 50 tonnes d'hectares. 50 tonnes l'hectare. Oui. Pour l'exportation, c'était. Oui, pour l'exportation. Il fallait avoir beaucoup de tonnage pour que ça soit rentable. Je savais que c'était un poison. Je me rappelle, on plantait de la banane et à Goubert. J'ai cimé comme ça là. Il y a un oiseau qui est venu, qui a pris une graine. Et quand il est arrivé dans cette route-là, il est tombé. Et quand j'ai été le chercher, il était déjà raide. Il était mort. Nous sommes morts, mais il est raide. Aux Antilles, les ouvriers des plantations de bananes constatent rapidement la dangerosité du chlordécone. Comme cet homme que l'on vient d'entendre, interviewé par Stéphane Bonnefoy pour France Culture. Sur les exploitations, nombre d'entre eux témoignent en effet de malaise ou de vomissement, sans que leur patron ne leur fournisse ni masque ni gants. Les patrons, ce sont souvent ceux qu'on appelle les béquets, des créoles blancs, descendants des colons qui détiennent encore une très large partie des terres aux Antilles. Les ouvriers du secteur bananier, eux, sont majoritairement noirs. Au début de l'année 74, deux ans après la mise sur le marché français du chlordécone, les ouvriers des plantations bananières qui souffrent d'une très grande précarité se mettent en grève en Martinique. Outre une augmentation de salaire de 5 francs par jour, ils alertent sur la toxicité de ce nouveau pesticide qu'ils manipulent au quotidien et dont ils réclament l'interdiction, le chlordécone. Mais cette revendication n'est entendue ni en Martinique ni en métropole et le conflit social se crispe alors qu'un drame surgit. Un mort et 7 blessés, peut-être 2 morts, on ne sait pas. Les affrontements qui ont eu lieu jeudi après-midi à la Martinique entre manifestants et forces de l'ordre ont été particulièrement violents. Que s'est-il passé exactement, Bernard Benyamin? Il faut reconnaître qu'il est assez difficile de le dire, d'autant que 2 thèses sont en présence. Oui, selon les autorités, c'est dans le nord de l'île, dans le village de Lorrain, qu'un petit groupe de gendarmes a surpris une centaine d'armes armées de coutelas et de gourdins qui se dirigeaient vers une exploitation agricole. Très vite, des incidents éclatés, et toujours selon le ministère des départements d'outre-mer, c'est pour se dégager que les gendarmes ont fait usage de leurs armes. Version des manifestants, la police nous a tendu une véritable souricière, les gendarmes ont tiré froidement dans le tas. Un an plus tard, en 75, aux États-Unis, c'est un autre drame qui va frapper d'autres ouvriers. Une 50aine d'employés de l'usine d'Hopewell, en Virginie, qui sous-traite la fabrication des chlordécones, est intoxiquée. Troubles de la motricité, de l'élocution, de la mémoire, tremblements, mouvements incontrôlables des yeux, autant de symptômes qui vont convaincre les autorités de procéder à des analyses dans le fleuve James qui jouxte l'usine. Conclusion, l'eau est largement contaminée par cette molécule dont les scientifiques ont établi qu'elle favorisait la stérilité et le cancer. En 76, les États-Unis interdisent le chlordécone et l'usine est fermée. La même année, au bénéfice des producteurs antillais qui rachètent les stocks américains, la France, elle, renouvelle l'autorisation de mise sur le marché de ce pesticide. Et puis la météo s'y met. David est arrivé en début d'après-midi sur la Martinique. Le cyclone, annoncé comme l'un des plus violents de ces dernières années, a tout de même évité les parties les plus habitées de l'île. Il a touché le nord de la Martinique. Le point sur place avec Raymond Calixte, rédacteur en chef de FR3 Fort-de-France. On peut dire que le plus gros cyclone David est maintenant passé, s'éloigne de la Martinique. Cela ne signifie pas que tout danger soit écarté, car nous avons en ce moment les résidus de vent de la périphérie de la formation cyclonique. Et en ce qui concerne les dégâts après le passage du cyclone? Il est difficile de dresser un bilan. Cependant, je peux d'ores et déjà vous dire que les bananeraies ont énormément souffert. Beaucoup d'arbres fruitiers ont été littéralement décapités et pour ma part, j'ai eu l'occasion de voir dans le voisinage quelques maisons dont les toits s'étaient envolés. L'ouragan David en 79, puis son frère Allen en 80, fragilise non seulement la monoculture bananière aux Antilles françaises, mais favorise la prolifération du charançon, cet insecte qui ronge les troncs d'intérieur. Les stocks américains de chlordécone sont rapidement épuisés, qu'à cela ne tienne. La société martiniquaise Vincent de la Garrigue, qui importait le chlordécone américain sous le nom de Kepone, rachète le brevet pour produire au Brésil son propre insecticide, le Curlone. En 1981, 5 ans après l'interdiction de la molécule aux États-Unis, la France donne son accord pour une deuxième autorisation de mise sur le marché. Pourtant, 2 ans auparavant, le chlordécone avait été classé cancérogène potentiel par le Centre international de la recherche sur le cancer. Et il existe des alternatives à son utilisation. Mais les défenseurs de la santé publique, minoritaires par rapport aux lobbyistes de l'agriculture bananière, ne parviennent pas à se faire entendre. Le produit, finalement, finit par être interdit par la France en 1990. Le député de Martinique, Guy Lordineau, se souvient, dans « Pour quelques bananes de plus », un documentaire de Bernard Crutzen. J'étais à l'époque député de la Martinique, et la quasi-totalité des responsables agricoles de la Martinique me soutenaient. Et ils me considéraient comme étant le député, le porte-parole de leurs problèmes. Et lorsque la décision a été prise d'interdire le chlordécone, ils se sont inquiétés. Ils me disent finalement, si on supprime le chlordécone, comme il n'y a pas encore de produit de remplacement, que ferons-nous avec le charançon? Nos plantations seront détruites, donc l'économie prendra un mauvais coup. Donc est-ce que tu peux demander au gouvernement de prolonger de 5 ans la durée de vie d'utilisation du chlordécone? Ce que j'ai fait, une question écrite posée au gouvernement qui m'a répondu par la négative, puisque automatiquement il y a un délai de 2 ans pour écouler les stocks et puis après point final. Mon action s'est arrêtée là. Et c'est ainsi que la réglementation française permet au chlordécone d'être vendu pendant 1 an encore après son interdiction en février 90 et utilisé pendant 2 ans. Les établissements Lagarigue, qui commercialisent le pesticide, décident alors d'en commander massivement. Juste après son interdiction, les douanes françaises laissent ainsi entrer aux Antilles 1560 tonnes de curlone, l'appellation commerciale du chlordécone, une quantité astronomique qui dépasse de loin les besoins réels des producteurs. Il en reste même tellement qu'à l'issue de la date légale d'homologation du produit, en mars 92, le nouveau ministre de l'Agriculture, Louis Mermaz, leur accorde une dérogation. On pourra utiliser ce qui reste de chlordécone pour 1 an supplémentaire. À la manœuvre, dans ce fructueux lobbying, le béquet Ivaillot, à la fois président de la SICABAM, la coopérative des producteurs de bananes, et directeur général de la Garrigue, unique revendeur du chlordécone aux Antilles. Pour lui, l'État n'a que de bonnes nouvelles. Retour au respect de la règle des 2/3, 1/3 doit être immédiat. Attentifs et satisfaits, les planteurs antillais. Eux qui bloquent depuis 4 jours les aéroports de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France ont écouté ce midi le ministre des Dom-Tom, Louis Le Pincec. C'est promis, le gouvernement fera tout à l'avenir pour réserver aux bananes antillaises les 2/3 du marché français, comme c'est la règle depuis 30 ans. Plus question donc de laisser la banane africaine dépasser largement les quotas qui lui sont imposés. La coordination des producteurs s'est aussitôt réunie pour envisager la levée du blocus des aéroports et des barrages établis sur les routes. Une décision attendue avec impatience par les 4000 touristes bloqués sur place, privés de vol retour. Alors que les frontières européennes s'ouvrent au 1er janvier 1993, la France entend protéger la banane antillaise d'une concurrence internationale toujours plus agressive. En février, Jean-Pierre Soisson, ministre de l'Agriculture, répond positivement aux pressions d'Ivaillot et de la SICABAM. Les producteurs de bananes pourront épandre légalement le pesticide pendant encore 6 mois. 6 petits mois, et s'en sera fini du chlordécone. Pourtant, les stocks continueront d'être écoulés hors de tout cadre légal pendant encore plus de 10 ans. Comme en témoigne ce petit producteur au micro de Daniel Mermet sur France Inter. Alors lui, il a une coopérative qui vendait des produits. Il a vendu du chlordécone pendant bien des sûr, années. Bien sûr, mais tout le monde. Tout le monde parce tu l'en as peut-être acheté. Moi non, parce que dans les années 92, quand je regardais en 92, c'était déjà interdit. C'était discrètement qu'il vendait ça. Et moi, c'est un produit que j'ai personnellement, que je n'ai pas utilisé. Discrètement, ils continuaient d'en vendre discrètement. Si, les gens ont fait rentrer ça, quoi, pour la suite. Ils ont donné jusqu'à 92 pour vendre ça. Mais vous savez, lorsque les gens ont fait des stocks, les béquets, tout cela, ça, les commerciaux, quoi, qui vendent des produits, ils ont fait de gros stocks rentrés. Ils vendaient ça discrètement. À la fin des années 90, des voix s'élèvent. Et si le chlordécone, ce pesticide qu'on sait rémanent, c'est-à-dire qu'il peut persister dans les sols, avait survécu, justement, au temps qui passe? Pour en avoir le cœur net, des distributeurs d'eau financent une campagne de prélèvement des eaux de source. Il en ressort qu'aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, les sources ont été contaminées au chlordécone. Éric Godard, ingénieur à l'Agence régionale de santé qui dépend de l'État, coordonne alors plusieurs études pour comprendre les mécanismes de cette pollution. En 2002, il met en évidence la présence de chlordécone dans des racines comestibles, et en particulier les patates douces, les ignames ou les carottes. Mais l'ingénieur est mis à l'écart par sa hiérarchie, qui l'accuse de tenir un discours anxiogène. C'est qu'il ne s'agirait pas de mettre le feu aux Antilles déjà promptes aux revendications. Pire encore, la pollution ne s'arrête pas au sol ni au sous-sol. Non, les rivières ont charrié la molécule jusqu'au littoral. Navets, bœufs, écrevisses, coraux, 10 ans après son interdiction, on découvre le chlordécone a empoisonné la Martinique et la Guadeloupe dans leur écosystème. What am I program? What am I plan up? Let's get say plan at the suction kind of promote. Say the revolution can sakai provoke. Politician may as a salsa to corrupt. Obligé chez midi fil animeux. Parce que t'es la piste crimineux. Tout le temps la catribule en réel pas en désanimeux. C'était Mado calaminé, c'est pas par hasard, c'était la contamineux. Donc t'as plein de programmes et continue de TV extermineux. Bouh! De ma poison way. Mais ça pas pénal, de ma poison way. Si c'est politician de ma poison way. Oh, ça c'est ton uniclo. Et fait nous qu'à respirer ça au gaz. De ma poison way. Mais c'est Babylone de ma poison way. Si c'est politician de ma poison way. Empoisonner nous jaune paillons. Nous trouver nos méthodes efficaces. Abîmer la flore et contaminer la faune. Empoisonner toutes les agricoles et chlorécone. Faut réfléchir avant manger le bonhomme. Faut réfléchir avant Bruno Gitt. Comme modèle de réplication politique à fin à fond. Modèle de réformation, c'est qu'un seul confusion. À part pas mon belle parole, modèle au cadeau cavane. Peuple a pris en otage, on a sa Babylone. De ma poison way. Mais c'est Babylone, de ma poison way. Si c'est politician, de ma poison way. Oh, ça c'est ton uniclo des connes. Et fait nous qu'à respirer ça au gaz. De ma poison way. Mais c'est Babylone, de ma poison way. Si c'est politician, de ma poison way. Empoisonner nos jaunes paillons. Nous trouver nos méthodes efficaces. À cause des années de maladies qu'on pas qu'à trouver pas notre côté. Côté, Wada et Martinique, c'est eux qui peut toucher. Toucher, ne fait pas faire peuple à nous, vous que vous faites coucher. Les banocytos et cancer à force à t'approcher. Alzheimer, malformation, pas même pas le. Ça au gaz, tout pas tout faux, qu'elle mange et masque. L'état qu'a fait l'agent à IFMI, c'est béqué. Tchata qu'elle fait nous bréqué. De ma poison way. Mais c'est pas pénal, de ma poison way. Si c'est politician, de ma poison way. Si c'est politician, de ma poison way. Empoisonner nous jaune paillons. Nous trouver nos méthodes efficaces. Affaires sensibles sur France Inter. Après qu'une tonne et demie de patates douces contaminées au chlordécone a été saisie puis détruite à Dunkerque en août 2002, le quotidien Libération titre « En Martinique, patates douces et toxiques dures ». C'est la première fois qu'un journal national de cette ampleur évoque ce pesticide, alors qu'aux Antilles, de nombreuses associations alertent depuis des années. Bon, l'article ne remue pas vraiment l'opinion publique, mais l'année suivante, 2 arrêtés préfectoraux contraignent les agriculteurs antillais à faire analyser leur sol avant toute mise en culture des légumes racines les plus exposés à la molécule. Elion Rella, par exemple, interviewé par RFO Guadeloupe, découvre que son terrain est pollué. J'ai fait des analyses de sol, les analyses se sont révélées positives. J'ai utilisé que je suis au chômage parce qu'on m'a dit d'arrêter de faire l'igname, mais il n'y a pas eu de plan de relance, ni de plan de conversion pour savoir quoi faire. Et ça m'a coûté énormément parce que j'avais une superficie de 4 hectares dont j'ai détruit entièrement. Alors j'ai perdu, c'est pour chiffrer ça, c'est pour aller en fond au moins 600-700 000 francs. Ce que j'aurais souhaité, ce que j'aurais aimé, c'est-à-dire que des gens qui ont tout perdu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait confiance à l'igname, on ne savait pas, nous sommes victimes, qu'on nous aide à nous reconvertir. Parce que là, il n'y a aucun plan d'aide, il n'y a rien là. Parce qu'on ne sait pas, on m'a simplement dit d'arrêter de faire l'igname, puis ils m'ont absolument rien dit quoi. Les analyses effectuées aux Antilles confirment que la contamination est bien avancée. 20% des surfaces agricoles sont touchées en Guadeloupe, 30% en Martinique et 65% des cours d'eau en général. Et puis on commence à mieux comprendre comment fonctionne la molécule. La chlordécone ne monte pas dans la sève, donc elle préserve les tomates, les aubergines ou encore les arbres fruitiers, ce qui rendrait possible la reconversion des agriculteurs de légumes racines, si l'État apportait le soutien nécessaire. Mais malgré un rapport interministériel rendu en 2005, les autorités restent timides dans la prise en charge du dossier, pour ne pas dire timorées. Tout va lentement, trop lentement, et des dizaines d'agriculteurs, mais aussi de pêcheurs, sont contraints de mettre la clé sous la porte. Quant à la population, elle ne sait rien, ou pas grand-chose. Les liens qui existent entre le chlordécone et les risques du cancer sont tus, et de manière générale, on communique peu sur le sujet. Affaires sensibles. Jusqu'à ce que le scandale éclate pour de bon, tout de même. En 2007, Louis Boutrin et Raphaël Confiant publient « Chronique d'un empoisonnement annoncé un livre qui va connaître un certain retentissement aux Antilles françaises. Beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais, comme cette auditrice d'Allô la planète sur France Inter, découvrent alors l'étendue des dégâts. Je suis une citoyenne et j'ai souhaité vous interpeller sur ce sujet et je suis tout à fait indignée parce que nous n'avons jamais eu d'informations véritablement qui puissent ôter le doute. Alors Louis Boutrin et Raphaël Confiant ont rédigé ce livre, c'est ainsi que j'ai pu être un peu plus informée et j'ai tendance à croire qu'effectivement on essaie de faire taire cette information où les deux auteurs disent tout simplement essayons d'avoir la vérité, essayons de faire un petit peu la transparence sur cette histoire. Les services de l'État de leur côté nous disent, eh bien écoutez, il n'y a pratiquement rien à craindre, bref. Ben non, moi très honnêtement, je ne suis absolument pas rassurée. En 2007, un groupement d'associations martiniquaises et guadeloupéennes porte plainte contre X pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Mais c'est le rapport d'un cancérologue qui va achever de révéler l'affaire au grand public. En septembre 2007, Dominique Belpomme, le cancérologue, publie les résultats d'une expertise qu'il a menée aux Antilles et il déclare dans la presse « C'est un scandale beaucoup plus grave que le sang contaminé. » Les médias nationaux s'emballent. Les études du docteur Belpomme sont imprécises, mais son intervention a le mérite de mettre la charge cancérigène du chlordécone sur le devant de la scène. Car la Martinique détient le triste record du monde du nombre de cancers de la prostate par habitant. En 2008, l'État lance le plan chlordécone. 33 millions d'euros consacrés notamment à la recherche sur la contamination des sols et l'impact du pesticide sur la santé. 2 ans plus tard, une étude statistique de l'INSERM vient alors confirmer ce que les Antillais éprouvent dans leur chair. Pascal Blanchet, chef du service urologie de Pointe-à-Pitre, l'explique au micro de Fabienne Marcel sur RFO. Il existe une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate lorsqu'on a été exposé au chlordécone. Et ceci est vrai dans la tranche des patients qui ont les taux de chlordécone les plus élevés dans le sang, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 1 microgramme par litre de sang. Donc dans cette partie de la population, cette élévation du risque est statistiquement significative. Mais selon l'INSERM, les hommes ne sont pas les seules victimes du pesticide. En 2012, l'Institut de recherche démontre notamment que le chlordécone augmente le risque de naissance prématurée. Les nourrissons exposés à la molécule pendant ou après la grossesse connaissent par ailleurs des retards de développement psychomoteur. Enfin, et selon le pédiatre martiniquais Félicien Mbou, le chlordécone, qui est un perturbateur endocrinien, pourrait aussi avoir un impact sur les pubertés précoces. Le médecin qui exerce depuis plus de 20 ans en Martinique a en effet remarqué dans son cabinet une incidence 10 fois plus élevée qu'en France métropolitaine, sans que pour l'instant aucune étude publiée ne vienne effectivement corroborer ses observations. Quoi qu'il en soit, 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés par la chlordécone à des degrés divers. Parmi eux, ceux et celles qui souffrent des taux les plus élevés sont d'abord les travailleuses et les travailleurs des bananeraies qui ont manipulé directement le produit. Viennent ensuite toutes les personnes qui s'approvisionnent en fruits et légumes chez les petits vendeurs de bord de route, moins contrôlés, ou qui cultivent eux-mêmes les traditionnels jardins créoles sur des parcelles contaminées. Philippe Berdol, de l'association Envie Santé, raconte. J'ai un ami à Capesterre qui m'a dit que il y a une analyse de son sol qui a été faite par le programme JAFA, donc c'est une analyse officielle, l'analyse du jardin familial de ses parents. Donc au lieu de sortir des légumes contaminés à 20 microgrammes, il sortait des légumes qui étaient contaminés entre 3000 et 4000 microgrammes, jardin familial. Le père, on venait de l'enterrer de cancer de la prostate, eux, ils avaient toujours mangé des végétaux de ce jardin. Leurs enfants, ils les avaient nourris aussi avec. Et l'étude Kaoul Prostate montre que c'est à peu près après 30 ans d'exposition que le cancer apparaît. Donc ils sont en train de se regarder, là, ils se demandent à qui le prochain, à qui le tour. Le jardin créole, c'est le jardin traditionnel antillais. Une sorte de potager verger, très dense, où chaque famille cultive des plantes mangées et des plantes médecines, dans le respect des savoirs ancestraux. Une poche de résistance à l'agriculture d'exportation née de la colonisation, autant qu'un moyen de subsistance. Car dans les supermarchés, tout coûte cher aux Antilles françaises. Beaucoup plus cher qu'en métropole, y compris ce qui est produit sur place. La faute notamment à un système de monopole. Le monde diplomatique établit ainsi que 8 familles Becquet contrôlent à la fois l'import-export et les grandes surfaces sur les deux îles. Et évidemment, Guadeloupéens et Martiniquais n'en peuvent plus de ces prix qui ne cessent de grimper. Et le 20 janvier 2009, le collectif Comprofitation, collectif contre l'exploitation outrancière en français, appelle en Guadeloupe à la grève générale contre la vie chère. Récit de Michel-Claude Adnaud sur France 3. La deuxième journée de grève générale a été marquée par des mouvements divers et en partie improvisés comme ce cortège d'enseignants. Mais réunis au palais de la mutualité, le collectif a constaté une mobilisation renforcée et décidé de faire preuve de fermeté. Chaque fois que notre collectif va rencontrer les décideurs de ce pays, ce sera pour négocier. Quelques instants plus tard, les manifestants quittaient le palais pour se rendre à Pôle Caraïbe. Obligeant au passage une grande surface à baisser le rideau, ils ont réussi à contourner les forces de l'ordre et à bloquer un temps le hall de l'aéroport, provoquant des retards pour des voyageurs déjà victimes de l'absence de transport. Les syndicats ont établi hier une vaste liste de revendications qui comportent notamment les salaires, les loyers, les transports, l'éducation, la formation, la santé, la pêche, l'agriculture et bien sûr les prix. Les négociations s'annoncent longues. Le mouvement qui s'étend rapidement à la Martinique durera 44 jours. 44 jours de grève, de manifestations et de blocages, dont les tensions, chaque jour accrues, trouvent leur apogée lorsqu'un syndicaliste du LKP est tué près d'un barrage. Dans ce contexte douloureux, le chlordécone fait figure de catalyseur. Car dans les combats du collectif Comprofitation, outre la vie chère et la hausse des salaires, il y a aussi l'indemnisation des victimes du pesticide, ainsi que la mise en place de mesures sanitaires pour protéger les populations. Et pour les manifestants, ceux qui décident du coût de la vie sur l'archipel sont les mêmes que ceux qui ont sali la terre pour protéger leurs grandes exploitations bananières, les Becquet, dont les ancêtres se sont enrichis grâce au travail des esclaves en Martinique et en Guadeloupe. Une micro-société soudée, ces Becquet, peut-être 1% de la population, fermée sur elle-même et parfois réfractaire au béquissage, qui maintient les anti-françaises dans des rapports de domination hérités de la colonisation. Pour le sociologue Justin Daniel, interrogé sur France Culture, le chlordécone exacerbe des souffrances historiques. Là où c'est historiquement intéressant également, c'est que ça remet en scène les rapports hérités de la période coloniale, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est quelque part perçu comme, entre guillemets, j'utilise des guillemets bien évidemment, un empoisonnement collectif plus ou moins organisé par les Becquets qui sont encore une fois très présents dans le monde agricole, qui ont contribué à importer ces produits d'un côté, et puis de l'autre, l'État qui a donné son accord. Bon, même si ce n'est pas nécessairement vrai, mais en tout cas, c'est perçu ainsi par une bonne frange de la population. Donc ça réactive la vieille question coloniale qui n'est pas totalement soldée, si j'ose dire, dans un territoire comme la Martinique. À l'issue de la grève générale de 2009, le gouvernement accorde des hausses de salaire de 200 euros aux habitants de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais les prix, eux, ne baissent pas. Au contraire, la vie devient très chère. Beaucoup d'Antillais perdent alors définitivement confiance en l'État. Et ce n'est pas la gestion du dossier chlordécone qui va les faire changer d'avis. Pourtant, les gouvernements successifs agissent. Un plan chlordécone 2, puis plan chlordécone 3 sont mis en place et des dizaines de millions d'euros investis entre 2011 et 2020 pour protéger la population et accompagner les professionnels impactés. Concrètement, on finance des programmes de cartographie de la pollution, de surveillance médicale, de contrôle des denrées alimentaires, de prévention. Mais malgré son engagement, l'État peine à contrer la défiance d'une partie de la population antillaise qui oscille entre résignation, désintérêt et colère. On reproche aux autorités de ne pas tout dire ou de mal dire. On leur reproche de ne pas désigner les coupables. On leur reproche de ne pas assumer leurs responsabilités. Au cours des années 2010, des rapports successifs démontrent effectivement les défaillances de l'État dans ce dossier. Le dernier en date est celui de la commission d'enquête parlementaire sur l'impact du chlordécone, présentée à l'Assemblée nationale en novembre 2019. Les députés Justine Bénin, rapporteur de la commission, et Serge Letchimy, son président, résume. ce rapport met en évidence la responsabilité de l'État, la responsabilité des lobbies, la responsabilité de certains élus qui ont demandé des homologations, des autorisations, alors que l'utilisation du chlordécone était interdite au niveau de par le monde. En ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à une indemnisation de type on donne à chacun 2000 euros et puis c'est terminé. Parce que la chlordécone ne disparaît pas avec 2000 euros. 30% des surfaces maritimes de la Martinique se trouvent polluées. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas pêcher. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On leur donne une petite indemnité qui part à la retraite. C'est pas ça. Voilà une réparation. La lenteur des actions sur le plan national discrédite l'État. La commission parlementaire, qui a enquêté 6 mois avant de rendre son rapport, souligne donc officiellement l'implication du lobby des professionnels de la banane et la responsabilité de l'État, qui a fait subir des risques inconsidérés aux populations de ces territoires. Je cite la commission. Une responsabilité qui oblige les autorités françaises, selon Serge Letchimy, à une vraie réponse. Une réponse à la hauteur de l'anxiété, des maladies et des faillites que le chlordécone a causées en Martinique et en Guadeloupe. En novembre 2021, la colère sociale gronde de nouveau anti-françaises, où l'on manifeste encore et toujours contre cette vie chère, 12 ans après la grève générale de 2009. C'est dans ce contexte que le gouvernement offre un cadeau de Noël inattendu. Oui, un décret pour calmer les esprits contestataires. Le 22 décembre, c'est officiel, les cancers de la prostate, quand ils sont liés à l'exposition au chlordécone dans le cadre du travail, sont reconnus comme maladies professionnelles. Cette décision, qui offre la voie et qui ouvre la voie à une indemnisation à vie pour les agriculteurs concernés, est saluée. Pourtant, regrettent les associations locales, elle reste incomplète. Car les effets néfastes du chlordécone ne concernent pas seulement les travailleurs de la banane sur un territoire où la molécule a contaminé le sang de plus de 90% des habitants. 3 mois après ce décret, c'est un autre dossier en effet qui se ferme dans l'affaire du chlordécone et cette fois une complète déception. Le 25 mars de cette année-là, la justice l'annonce, les plaintes pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui déposées par des associations antillaises en 2006 et 2007 n'aboutiront pas à un procès. Réaction au micro d'Alban Lucien sur France 24. C'est encore un mépris pour le peuple martiniquais, parce que le gouvernement français, ce n'est pas une décision justice qui va se décider dans les jours qui arrivent, c'est une décision politique. Il y a des morts, il y a un crime, il y a des gens qui sont malades et il n'y a personne qui sont responsables. Mais je ne comprends pas. Mais en tout cas, ça veut dire que nous allons continuer la lutte. Nous irons vers tout ce que disent les tribunaux français, on ira, mais on ira vers les tribunaux internationaux parce que la loi dit qu'il faut épuiser tout ce que disent les tribunaux français avant d'aller ailleurs. Voilà, c'était en mars de cette année, 2022. Le chlordécone est un scandale empêché, selon les mots du sociologue Cyril Lemieux. Empêché, car il n'y a officiellement pas de coupable désigné, et encore moins condamné. Pourtant, les responsabilités sont là, imbriquées, plus ou moins assumées. Il y a l'État d'abord, les producteurs de bananes, les petits et les grands surtout, qui ont utilisé le chlordécone pour protéger une agriculture destructrice, dans un contexte social extrêmement inégalitaire. Et puis peut-être aussi, y a-t-il la responsabilité des consommateurs, qui exigent des fruits parfaits et en quantité, sans s'interroger sur la façon dont on les cultive. Aujourd'hui, la molécule du chlordécone coule encore dans le sang de 9 personnes sur 10 aux Antilles françaises, sans que tous ses effets nocifs sur la santé ne soient encore connus. La terre, la mer et les cours d'eau y sont pollués pour 50 ans, 500 ans peut-être, selon les études. la boule te bêche, c'est yo qui contaminé. L'année, même crime là qu'a continué. Ouvrière du col en grève, pour yo baïche yo manger. Yo dit yo mette ke pot, ou banana, baille du vent. Ça, il fait tout ça. Maman, où est son air? Tout descend dans ce monde. Maman, oui, maman, où t'es dit moi ça? Maman, ça c'est vrai. Où t'es dit moi ça? De 72 à 2000, que pan de vini qu'un l'homme. Pour l'argent, pour le profit. Méchanceté qu'a continué. Pays à poisonner, en bas la terre prisonner, toute la rivière prisonner, l'eau la suce la prisonner, maman. Maman, bougez ça. De Chalvé à Vivet, maman, bougez ça. Yo poisonner, poisonner de l'eau. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du chlordécone, dont nous parlons avec notre invitée Cécile Évrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez écrit avec Thierry Derouet le documentaire Chlordécone, poison durable, coproduit par François Web Bonobo Productions. Comment avez-vous découvert le scandale du chlordécone, vous? Alors, au détour des années 2000, je suis partie travailler en Martinique. Je travaillais au quotidien France Antilles. À cette époque-là, la presse avait plus de moyens. Et l'un de mes rédacteurs en chef avait déposé sur mon bureau une étude de mémoire. C'était l'Institut National de Veille Sanitaire avec un petit post-it dessus. Je pense que c'est un bon sujet pour une journaliste scientifique. Et effectivement, en ouvrant l'étude, j'ai découvert cette molécule, cette espèce de monstre. Mais il faut quand même savoir, alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de dossiers dans France Antilles, des 8 pages, des 12 pages sur une molécule hein, pendant des années, mais il faut quand même effectivement, comme vous l'avez souligné, qu'il y avait déjà des journalistes qui travaillaient dessus avant, que les militants militaient déjà depuis 15 ans, 20 ans, je pense en particulier à la Sopamar en Martinique, et que les lanceurs d'alerte au cœur de l'État essayaient de prévenir, que les chercheurs cherchaient, voilà, c'est à leur travail qu'il faut rendre hommage, oui. En fait, il y a Libération, on l'a dit, hein, qui s'emparait de l'affaire. Alors, on ne va pas dire qu'on ne la connaît pas en métropole, l'affaire. Mais c'est pas un sujet prégnant non plus. Pourquoi? Parce qu'il est, quand même. Il a tous les atours d'un vrai scandale. Tout y est. Ça reste lointain. Je pense que c'est pour cela. Et effectivement, alors c'est un peu par période, hein, ce scandale-là. C'est cyclique. C'est cyclique. Et l'attitude des acteurs change selon les périodes. L'État est plus ou moins frileux. Et puis d'un seul coup, il décide de communiquer. Idem pour les planteurs. Par moment, on sent qu'il dépasse son fait. Et puis d'un seul coup, ils ne veulent plus entendre parler du scandale. Les militants, là, en ce moment, ça devient de plus en plus. Enfin, ces dernières années, les mobilisations sont devenues de plus en plus violentes. Ouais. Voilà. Alors, une phrase citée dans le récit qui dit « 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés par le chlordécone à des degrés divers. » Ce sont des proportions incroyables. Alors, l'affaire du sang contaminé, la comparaison du cancérologue avec l'affaire du sang contaminé n'est pas forcément pertinente, mais elle montre bien la gravité de l'affaire. Les proportions sont dingues, c'est plus 9 sur 10. Quoi. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça peut être une imprégnation, on va dire, qui peut être ponctuelle ou qui est vraiment chronique. Voilà. Par exemple, les associations ont vraiment réclamé qu'il puisse y avoir justement des dépistages de chlordécone dans le sang, ce qui n'est pas banal. En général, on dépiste plutôt des maladies. Alors, il y a des scientifiques qui étaient opposés à cela en disant mais non, mais ça ne sert à rien puisqu'on ne peut pas mettre une maladie en face de cela, mettre une maladie réelle, pas comme par exemple pour l'amiante où il y a un cancer qui est clairement affiché comme le mésothélium. On ne peut pas... Et puis, au niveau des conseils sur l'exposition, ce seront les mêmes, que l'on soit imprégné de chlordécone ou pas. De toute façon, il ne faut pas manger de produits contaminés. Mmh. Et on ne sait pas si c'est parce que l'on a mangé juste des patates douces contaminées la veille ou si c'est plus chronique. Et en même temps, ce dépistage de sang, ce dépistage de chlordécone dans le sang est effectivement un outil qui peut être utilisé pour que la population puisse diminuer son exposition. Mais c'est énorme, oui, c'est énorme. 90%, c'est énorme. Bien sûr, mais il n'y a pas que la population antillaise qui peut être touchée, puisque nous, en métropole, on en mange des bananes qui viennent de là-bas. Les bananes ne sont pas chlordéconées, en fait. Le chlordécone est profondément enfoui. C'est une molécule qui est lourde, d'accord. Elle est profondément enfouie dans le sol et elle ne monte pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais oui, voilà, elle s'attaque aux légumes racines. Donc c'est pour ça, les patates douces, les légumes racines, etc. Voilà. Et après et l'exposition, voilà, un touriste qui part, je n'ai pas été rémunérée par le comité martiniquais du tourisme pour dire ça, mais je veux dire, un touriste qui part en Martinique ou en Guadeloupe, même s'il mange un peu de chlordécone, ça va vite partir de son sang les semaines suivantes. Bah, voilà. Le danger, c'est quand c'est tous les jours. Tous les jours, pendant des décennies. Dans l'eau, les gens en ont mangé, mais à la petite cuillère du chlordécone, dans les années 90, avant que les sources soient fermées. Enfin, oui, vraiment, c'était les taux étaient impressionnants. Alors, jeudi, le parquet de Paris a demandé un non-lieu dans cette affaire, provoquant l'indignation des plaignants. Et évidemment, quelle peut être la suite du parcours judiciaire de cette affaire? Alors, pour l'instant, ce n'est pas définitif, puisque c'est la balle dans le camp des juges d'instruction. Mmh. Alors, ça fait des années que les associations, enfin, les avocats des parties civiles essaient de trouver des brèches. Mais on sait à quel point, je parlais de l'amiante il y a un instant, on sait à quel point c'est difficile. Même l'amiante, on ne sait même pas s'il va y avoir encore, on le saura en mars, je crois, s'il y aura un gros procès pénal. Donc, le chlordécone, enfin, tous les freins sont là en permanence. Et il faut savoir, alors, dans ce dossier, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quand même 17 ans d'archives qui se sont envolées au ministère de l'Agriculture. Qu'est donc ? Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, vraiment, de 72 à 89, je crois. Oui. Donc, c'est-à-dire que toutes les commissions, et c'est pas faute avec d'autres journalistes d'avoir demandé à la commission d'accès aux documents administratifs ces documents, ils se sont envolés, ils ont disparu. Alors, il y a la question des indemnisations, elle est importante, concernant les maladies professionnelles, donc reconnues comme maladies professionnelles, ça veut dire indemnisation à vie. Ça, c'est la théorie. Est-ce que dans la pratique, ça s'est vérifié? Alors, pour les maladies professionnelles, c'est pas seulement le chlordécone, en fait. Ce sont tous les pesticides, et il faut savoir que c'est une vieille demande, en fait. Mm-hmm. Et je crois, et je l'ai entendu à vos propos, que l'État a bien réussi sa communication sur la question, parce que ça a été un peu mis en avant comme une véritable avancée dans le dossier. Alors qu'en fait, c'était une vieille demande, et c'est tout à fait logique que le cancer de la prostate, notamment, soit reconnu comme maladie professionnelle, mais pas seulement pour le chlordécone, c'est vraiment pour dans pour l'exposition à de nombreux pesticides. Le gros problème de cette reconnaissance, c'est que il faut non seulement avoir été déclaré, et je ne sais pas quelle est la proportion d'ouvriers agricoles qui étaient réellement déclarés par les exploitations à l'époque. Ah oui. Et puis, il faut pouvoir prouver aussi cette exposition. C'est pas simple. Alors, je sais qu'il y a des aides qui sont apportées par des associations pour que des dossiers puissent être montés. Mais ça exclut une grande partie des gens. Sur le terrain des réparations, qu'en est-il pour ce qui concerne la dépollution des sols? On y travaille? Ah oui, alors la dépollution des sols, alors ce ne sera pas... Il ne faut pas en attendre une solution miracle, et certainement pas ces prochaines années, d'autant que l'on ne sait pas, par exemple, si les produits de dégradation... Alors, il y a de la recherche, on pense qu'on peut faire des choses avec, que ce soit par la voie chimique ou microbienne, mais on ne sait pas si les produits de dégradation de la chlordécone ne seront pas aussi dangereux que la chlordécone. Ouais. Ah oui. Il semblerait que non. Mais voilà, donc la dépollution, il faut être très prudent, avec. De la même manière que l'on a dit que le chlordécone, alors comme tout le monde, je bascule du le à la... une cétone, donc ce serait là. Et ouais. En fait, on dit le depuis très très longtemps, et c'est presque politique de dire le ou la chlordécone, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le, Comment dire, c'est le terme ancien, c'est le terme des militants. On est un peu plus du côté des militants quand on dit le. D'accord. Et quand on dit là, on est un peu plus du côté des services de l'État. Ah. C'est un peu étrange. On a dit le pendant tout le récit. Voilà. C'est ça ne veut pas dire qu'on est positionné. Bah bon. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a quelque chose d'important. Oui. Et je sais que vous y tenez, et vous avez raison, c'est que cette affaire du chlordécone, elle dit aussi autre chose. Et bien autre chose sur la Martinique. Et la Guadeloupe sur les Antilles françaises. On va en parler juste après avoir écouté Gaël Faye qui chante de ces circonstances des graines. Les âmes s'assoupissent sous la chaleur intense et les palmiers s'en balancent des rigoles d'immondices. Notre pays embourbé où le peuple est un gueux et le ciel est suspect d'être si beau et si bleu. Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant. On muselle les rêveries depuis bien longtemps. Le futur paraît vain, le tyran si puissant. Mais même d'où proviennent ces chants, ces voix que l'on entend. La bouche pâteuse de rêve un jour se désaltère, humidifie ses lèvres, libère ce qu'elle retient, les formules qu'elle célèbre et le pays qui vient, renverse la dictature, piétine ses statues, on repeindra les murs, m'a dit l'homme de la rue, dépoter le despote, planter des fleurs nouvelles, additionner nos cœurs, en faire des archipels. Un jour, on se lève pour être libre. On débat, on s'agite. Au départ, on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent. On répond par des rimes, on s'invente des rites. On déconstruit leurs mythes, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics. L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique. C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil. Et la force vient de loin, de l'amour, de la vie. On affronte le destin, chauffé à blanc sont les poings. Et l'on frappe, on riposte le regard vers demain. Et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront, car nous sommes des graines. Vous écoutez la force sensible qui nous parle aujourd'hui du scandale du chlordécone avec notre invité Cécile Évrard. Je rappelle que vous avez écrit le documentaire Chlordécone, poison durable. Alors, autre source d'information, cette BD que je tiens entre mes mains qui s'appelle Tropique toxique de Jessica Oublié, Nicolas Gobi, Catherine Avram et Vinciane Lebrun. Ils s'y mettent à plusieurs parce qu'il y a un scénario et des dessins. Et qui raconte cette histoire de façon très claire et assez remarquable. On a une liste des ministres de l'agriculture, les différents ministres de l'agriculture qui ont donné l'autorisation d'utiliser le chlordécone. Autorisation renouvelée pendant près de 20 ans, de façon constante. Alors, Jacques Chirac, Christian Bonnet, Pierre Meinerie, Edith Cresson, Michel Rocard, Henri Nallet, Louis Mermaz, Jean-Pierre Soisson et Stéphane Travers, le dernier sous Hollande. Et ce livre se termine avec cette phrase, « Repenser les ponts possibles entre tous les êtres du vivant et ainsi édifier le monde d'après ». On l'attend encore, le monde d'après, après le confinement, on s'était dit « ça va changer ». Tu parles, rien du tout. On en revient à notre chlordécone. Alors, c'est important, cette affaire-là est aussi un catalyseur, le réceptacle de beaucoup de revendications aux Antilles, économiques, sociales et politiques. Diriez-vous que le chlordécone a ouvert des débats qui dépassent le chlordécone ? Complètement, complètement. C'est vraiment un catalyseur de rancœur et il faudrait trouver un moyen pour que le chlordécone soit considéré comme ce qu'il est, à savoir une molécule. Je m'explique. En fait, on a l'impression qu'il manque un troisième espace. C'est-à-dire qu'il y a l'espace judiciaire. Là, le tribunal, ça a l'air mal barré, mais bon, il faut encore espérer qu'un procès puisse se tenir. Il y a toute la sphère plan chlordécone, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire ce que fait l'État, comment il s'agite, comment voilà, tout ce qui est décidé, la recherche, voilà. On va dire ça. C'est tout à fait. Et ensuite, il manque comme un troisième espace de dialogue ou de confrontation, je ne sais pas, c'est selon. En fait, c'est-à-dire que d'un côté, c'est malhonnête de dire que l'État ne fait rien. C'est pas vrai. Depuis 20 ans, on ne peut pas dire ça. Ou alors, j'ai vécu quelques années en Côte d'Ivoire, un État qui ne fait rien. La Côte d'Ivoire est polluée par le chlordécone. Oui. Personne n'en parle, personne ne le sait. Et c'est une information qui est cachée. Comment dire ? Donc c'est malhonnête d'un côté de dire que l'État ne fait rien. Mais c'est aussi malhonnête de l'autre côté de ne pas faire le lien, et vous l'avez fait très bien dans la première partie, entre chlordécone, esclavage, colonisation. Histoire, parce qu'il faut réparer toutes les atteintes, tous les impacts du chlordécone avec ce prisme en tête. Par exemple, lors de l'abolition en 1848 pour la Martinique, les esclavagistes ont été indemnisés, alors que les esclavisés, pas du tout. Donc effectivement, la population... Lorsque, par exemple, les planteurs se portent partie civile dans le procès, la population, légitimement, se dit comment ça se fait ? Ils vont être indemnisés. Que se passe-t-il ? Alors que de l'autre côté, d'un point de vue juridique, ça se comprend, puisque les planteurs, ils disent mais on avait l'autorisation de l'État. Oui. Donc on avait l'autorisation de l'État pour les pendre. Donc c'est normal, on a pollué nos terres. Donc c'est une espèce de dialogue de sourds. D'ailleurs, aujourd'hui, les gros planteurs, la tendance actuelle, je parlais de cycle tout à l'heure, la tendance actuelle est que les gros planteurs ne veulent pas entendre parler du chlordécone. Voilà, ils évacuent vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans les bananeraies. En 10 ans, il y a les pesticides, la quantité de pesticides épandus dans les bananeraies a diminué de 70%. Mais il faut voir d'où ils partaient. Oui, et ça, la deuxième partie de la phrase, ils ne l'aiment pas. Voilà. Et puis, de la même manière, oui, l'État s'est comporté comme un État colonisateur. Sur ce dossier, c'est sûr, vous l'avez bien dit. Et donc, du coup, c'est comme s'il manquait un espace, c'est un espèce de dialogue de sourds. J'ai un collègue de la BBC où j'ai travaillé, qui est venu en Martinique faire un reportage. Il était atterré par la violence des propos de toutes les parties. Que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des planteurs, que ce soit du côté des militants. En fait, aujourd'hui, chacun, selon ses intérêts propres, qu'il soit louable ou pas, manipule le chlordécone, alors que ça devrait être un sujet d'ordre universel. Les pesticides, ça concerne la terre entière. Bien sûr. Alors, est-ce que ce chlordécone est un sujet qui mobilise encore aujourd'hui la société civile en Martinique comme en Guadeloupe ? Et si oui, de quelle façon ? Oui, tout à fait. Ça mobilise... Parce que pour qu'il y ait réparation sur ce dossier, il faut déjà en tout premier lieu que les victimes sentent qu'il y ait réparation. C'est un peu la base. Ça ne peut pas se décider d'en haut. On ne peut pas décider que les choses sont faites, que le problème est évacué, que la population n'est plus exposée comme auparavant. Il faut continuer. C'est un sujet complexe. Toute dernière chose sur l'Afrique, vous me parlez de la Côte d'Ivoire, je crois, où le chlordécone sévit et l'État ne sévit pas. Il y a d'autres pays africains comme ça touchés ? Cameroun. Cameroun aussi, ouais, tout pour à les fait. Mêmes raisons. Exactement, parce qu'en fait, le chlordécone a été pendu à l'époque avec les mêmes producteurs, les mêmes industriels et les mêmes planteurs qu'en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. Cécile Évrard, merci infiniment. Je rappelle que vous avez réalisé ce documentaire Chlordécone, poison durable. Et si nos auditeurs s'intéressent à cette question, je les renvoie une deuxième fois parce que ça vaut le coup. Et puis parce que j'ai un tout petit peu de temps à Tropique Toxique, le scandale du formidable chlordécone. Formidable. Hein, c'est... Et la BD, alors, c'est incroyable comme la BD sert aussi maintenant l'actualité et ouais, l'histoire. C'est un formidable support. Et elle tient à ce que ce soit un relais auprès des jeunes. Voilà, Jessica Oublié, l'autrice, c'est important de former, d'éduquer les jeunes sur cette question. Très bien, Cécile Évrard, merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire du chlordécone, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.